danser. Une paire de seins dans un corsage. Un corsage un peu corsé. Un esprit sain dans son corsage. Chaque bouffée d'air.